Mireille Kanyang. Merci auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro de nous rester fidèles. Bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Mise en place d'un nouveau système appelé Initiative et Résultats Rapides, c'est au nom de la propriété dans la ville de Bujumbura. Le maire de la ville de Bujumbura accorde un mois et demi aux sociétés à collectant les déchets ménagers pour faire correctement leur travail. Les précipitations sur les trois mois à partir de ce mois de mars seront supérieures à la moyenne. L'organisation INADES Formation Burundi appelle les agriculteurs à s'adapter au changement climatique. En province Lumonge, les responsables des églises et mosquées sont appelés à l'érection des bâtiments résilients aux intempéries. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Alphonse Kubgiman. Encore une fois, bienvenue page sécurité pour débuter cette édition. Quatre grenades ont été découvertes ce lundi dans la cabine des installations électriques de la régie des eaux alimentant le marché de Ruvumera en zone urbaine de Buyenzi. Des informations confirmées par la police qui était sur place ce lundi indiquent que ces grenades ont été déposées dans une canalisation par laquelle passent les fils conducteurs en provenance d'un transformateur principal. Les agents de la régie des eaux ont été les premiers à apercevoir ces armes au cours de leurs activités de dépannage à ce marché. Une personne sur trois en possession des clés du cabine est dans les mains de la police pour enquête. Ces grenades ont été par la suite été évacuées par des militaires qui étaient sur place. Et un délai de 45 jours est accordé à tous les administratifs jusqu'à la base afin de travailler pour la propriété de la ville de Bujumbura. Cela doit être fait dans un système mis en place appelé Initiative Résultats Rapides. Le maire de la ville de Bujumbura, Jimmy Hatungimana, a précisé que ceux qui seront incapables de mettre en exécution ce travail seront remplacés. Et pour les camions transportant les déchets ménagers, le maire de la ville de Bujumbura recommande aux responsables de passer dans les quartiers trois fois par mois et non deux fois. Quant au paiement, il invite les responsables de ces activités de se mettre ensemble avec les chefs des quartiers et les responsables des ménages afin de fixer un prix qui soit un prix consensuel. Il a dit ce lundi lors d'une réunion avec les autorités administratives de la mairie, les agents de la sécurité et les commissaires des marchés afin d'échanger sur la manière de travailler et de garder la ville propre. Les bistrots qui n'ont pas de sanitaire moderne, qui ne remplissent pas les conditions, doivent être fermés pour empêcher la propagation du choléra, a précisé le maire de la ville de Bujumbura. Des informations que nous devons à Jean-Marie Mayonga. Page politique de cette édition, le parti CNL s'inscrit en faux contre l'arrestation de deux personnes dont un veilleur à la permanence nationale de ce parti, Siza Mutanga Nord, en mairie de Bujumbura. C'était samedi. Le secrétaire général de ce parti dit que qu'une personne a par la suite été libérée, mais indique que qu'une autre reste enfermée. Simon Bizimungu précise qu'ils ont été arrêtés par le commissaire municipal, les accusant de s'organiser afin de participer à une réunion alors que le ministère de l'Intérieur les avait interdits. Suivez Simon Bizimungu, secrétaire général du parti CNL. Ce samedi, le 2 mars, un veilleur de la permanence nationale du parti CNL et son ami ont été arrêtés par le commissaire municipal. Au moment où les deux hommes se partageaient en fantant dans une boutique qui se trouve à quelques mètres de la permanence. Sérieuses informations apportées aux leaders du parti, les deux hommes seraient accusés de se mettre ensemble ou de s'organiser pour participer à une réunion, laquelle réunion n'est connue par personne. Ce que je précise pour le moment, le vieil a été libéré hier, son ami reste toujours dans le cachon de la BCR. Des cas similaires ont eu lieu. On citera le camp de Gitega, là où trois membres du parti CNL ont été arrêtés. Le camp de Rutana, un membre, et le camp de Lumonge, des membres. Ces arrestations que je viens de citer ont eu lieu suite aux descentes qui sont en train d'être organisées par les dissidents, et lesquelles descentes se font aussi et aux vies des autorités administratives et créer ne se font qu'un nos membres, bien entendu, nos représentants, sont allés demander de quoi s'agit-il, pourquoi ces réunions, alors que le ministre venait de refuser un congrès extraordinaire du parti CNL. Ces représentants ont été arrêtés et heureusement, quelques heures après, ils ont été libérés. Les arrestations qu'on observe pour le moment sont liées à la politique. Parce que les gens qui sont en train d'être arrêtés n'ont transgressé aucune loi burundaise. Vous savez, bientôt, c'est la période électorale. Et si nous observons de telles arrestations, nous disons que ce sont des arrestations qui sont liées à la politique. Probablement que ce qu'on demande à l'administration, c'est de respecter la loi burundaise. Et surtout, respecter la loi dans la gestion des affaires politiques. On n'a pas encore réussi à contacter à joindre le porte-parole de la police nationale pour réaction. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Parlons agriculture à 18h07 dans le studio de la radio Isanganiro. Les agriculteurs sont appelés à associer les cultures pour s'adapter au changement climatique. Dans son exposé, Audace Ndekumana, chargé des programmes à l'INADES Formation Burundi, a montré que des précipitations au mois de mars, avril et mai seront supérieures à la moyenne. Lors de cet atelier de réflexion sur l'adaptation au changement climatique organisé par le ministère de l'Agriculture, des participants ont suggéré que la communication sur la météorologie soit renforcée. Le point avec Lydie Gahimbar. Certains participants à cet atelier de réflexion, la prévention et l'adaptation au changement climatique trouvent que les services de la météorologie devraient communiquer à temps sur la situation météorologique afin que les agriculteurs préparent les saisons culturales selon les prévisions météorologiques. D'autres ont suggéré que des informations devraient être diffusées selon les régions naturelles. Lors de sa présentation, Audace Ndikumana a montré que des précipitations seront supérieures à la moyenne durant le mois de mars, avril et mai. De ce fait, il a appelé les agriculteurs à associer les cultures pour s'adapter au changement climatique. Vous savez que pour cette saison B, la majorité des agriculteurs burundais font culture du haricot. Il n'est pas exclu, même s'ils ont déjà terminé à semer, il n'est pas exclu d'insérer dans ce champ de haricot quelques lignes de bouture de patates et quelques lignes de bouture de manioc parce que ces cultures vont d'abord s'adapter à ces fortes pluies et vont les aider au cours des mois qui vont venir, même après cette saison. Il a également interpellé les partenaires à appuyer aux agriculteurs afin qu'ils puissent canaliser les eaux des pluies en traçant les courbes de niveau. Autre chose, c'est au niveau de la gestion de l'érosion au niveau des exploitations agricole. Alors, il a été suggéré de sensibiliser la population à entretenir les fossés anti-érosifs déjà aménagés, déjà tracés, en faisant le curage. Et après la saison B, viendra la saison C, la saison sèche. Il a été recommandé de sensibiliser la population et tous les acteurs doivent s'impliquer à sensibiliser la population, les agriculteurs, à aménager, à tracer les courbes de niveau dans leur exploitation agricole avec l'aide technique, bien sûr. Les prévisions météorologiques montrent que la saison 2024 aura des précipitations excédentaires dans les régions naturelles de Mugamba, Buyogoma, Kumoso, Buragane et dans le reste du pays, il y aura des précipitations normales. Lydie Gahimbal, je vous l'annonçais en titre, les responsables des églises et mosquées opérant dans la province Rumonge doivent ériger des bâtiments résilients aux intempéries et veiller sur les participants aux prières. Tout cela pour la sécurité de leurs fidèles. Cet appel est de Léonard Nyonsaba, gouverneur de Rumonge, dans une rencontre ce lundi avec les représentants des différentes confessions religieuses par rapport aux lamentations que la distanciation entre églises n'est pas respectée par certains. Le gouverneur de Rumonge dit qu'une nouvelle vérification sera effectuée pour des mesures conséquentes. Le point avec Jean-Pierre Misago. À part que les leaders de confessions religieuses sont appelés à participer dans les réunions de sécurité sur leurs collines respectives et contribuer dans les projets de développement dans leurs zones d'action, Léonard Nyonsaba, gouverneur de Rumonge, lors de cette rencontre, demande à ses leaders religieux de construire des bâtiments résilients aux aléas climatiques. Il explique que des cas d'accidents mortels sont rapportés dans divers coins du Burundi ces derniers jours suite aux effets du changement climatique. Et le gouverneur de Rumonge de prévenir qu'une opposition de commencer les cultes sera faite à toute confession qui voudra opérer dans une église ou mosquée susceptible de provoquer des accidents mortels. Sur ce volet sécuritaire, une attention particulière doit caractériser les chargés de sécurité et protocoles dans les églises ou mosquées pour prévenir d'éventuelles actions kamikazes. Au moment où certains leaders religieux se lamentent que la distanciation est parfois violée, le gouverneur de Rumonge répond que l'administration va procéder à la vérification pour éviter d'éventuels conflits entre confessions religieuses. Certains parmi les participants dans cette réunion ont demandé même qu'il y ait interconnexion entre les bureaux de l'état civil afin de lutter contre le concubinage. Ici, le gouverneur de Rumonge dit que cela s'inscrit dans la vision du Burundi émergent en 2040 et développé en 2060. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Restons au sud du Burundi, mais cette fois-ci en province Bururi pour parler commerce. La pénurie des produits de la Brahoudi à part royale continue à s'observer dans cette province, surtout la boisson Amstel introuvable depuis deux semaines. Certains des consommateurs de ces boissons apprennent aujourd'hui des boissons inhabituelles, dont celle emballée dans des bouteilles en plastique appelées communément Bibangara, et craignent déjà des maladies. Consommateurs et propriétaires de débits de boissons à Bururi demandent à la Brahoudi dit de trouver solution à cette pénurie des boissons, nous rapporte Zeno Nzambiman. À part les boissons royales et Fanta, aucune autre n'était disponible le soir de ce dimanche dans les différents bistrots du chef-lieu de la province de Bururi. Quant à la boisson Amstel, elle est introuvable depuis deux semaines dans toute la province de Bururi. C'est les informations qui nous ont été fournies par les propriétaires des dépôts de ces produits. Certains des consommateurs de ces boissons qui sont devenus rares à Bururi disent qu'ils prennent aujourd'hui d'autres boissons, communément appelées Ibibangara, des boissons emballées dans des bouteilles en plastique. D'autres préfèrent prendre la boisson royale, faute de ces boissons beaucoup préférées, mais là aussi avec beaucoup de grognes. D'autres grognes se font entendre également chez les vendeurs de viande et surtout chez les vendeurs de brochettes dans les différents bistrots. Ils expliquent que les brochettes sont beaucoup consommées en cas de disponibilité des boissons de la Brahoudi dans les bistrots. Ils disent qu'ils travaillent aujourd'hui à perte suite à cette pénurie des boissons de la Brahoudi. Les grossistes, les détaillants et les consommateurs de ces boissons demandent à la Brahoudi de tout faire pour trouver une solution à ce problème. Au niveau du méga des produits de la Brahoudi à Bururi, on nous a indiqué qu'à part la Monster, d'autres boissons comme Primus et Fanta étaient attendues ce lundi à Bururi. Depuis Bururi, c'est nous abîmons pour la radio Isanganiro. De Bururi au sud, rendons-nous au centre en province Gitega, la capitale politique où certains habitants de la colline Rukoba, en commune et province Gitega, n'ont pas encore présenté à l'Obuha leurs réclamations liées aux irrégularités qui ont émaillé le recensement de leurs propriétés foncières effectuées par l'Obuha vers la fin de l'année dernière. Parmi eux, ceux qui ne savent pas lire les fiches et les cartes relatives à ce recensement produites par l'Obuha, alors que le délai limite était fixé vendredi de la semaine passée. Le responsable de l'Obuha en province Gitega annonce une prolongation de deux jours à compter de ce lundi. Plus de détails avec Gérard Niwikira. En date du 19 février 2024, le ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements Sociaux, Dieudonné Dukundane, a rencontré les habitants de la colline Rukoba 3 mois après le recensement des propriétés foncières et de leurs propriétaires que le service de son ministère a effectué sur cette colline qui sera bientôt viabilisée par intégration. Le message du ministre Dieudonné Dukundane à la population de Rukoba était de lui dire que les listes écartées relatives à leurs propriétés allaient être affiché 3 jours après dans un lieu vaste qui est l'ancien aérodrome de Gitega. Il a donné 2 semaines pour venir lire ses listes et cartes afin de relever d'éventuelles irrégularités à présenter à l'Obuha, office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction. La date limite pour les réclamations étant vendredi dernier, le 29 février. Cependant, pas mal d'habitants de la colline Rukoba n'ont pas encore observé ces listes et cartes suite à des motifs variés. Certains disent avoir manqué du temps pour cause des travaux champêtres de cette saison culturelle B. D'autres disent qu'ils travaillent loin de leur terrain. D'autres disent qu'ils ignorent ce sujet et n'ont même pas été au courant de la rencontre du ministre avec la population de Rukoba et les recommandations ici de cette rencontre. C'est au moment où certains d'autres affirment qu'ils ne savent pas lire ces listes et interpréter ces cartes. Tout cela demande alors que le temps d'observer ces listes et cartes et de faire des réclamations éventuelles soit prolongé. Le responsable de l'Obuha en province Gitega, Emery Nyonzima, indique qu'une prolongation de 2 jours à compter d'aujourd'hui est accordée. Les raisons qu'il avance, c'est l'endommagement par le vent violent d'un cabane qui était érigé à l'ancien aérodrome de Gitega pour abriter ces listes et cartes, ce qui a fait qu'elles ont été déplacées vers un autre endroit qui est le bureau de l'Obuha Gitega. Toutefois, certains propriétaires de terrain à Rukoba et certains habitants de cette colline trouvent que cette prolongation restait insuffisante et réclament encore une autre prolongation. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour Radio Isangani. Retour en mairie de Bujumbura à l'approche du 8 mars, journée internationale dédiée à la femme. Dans cette édition, on va à la rencontre de médiatrice Nkurunziza, une femme âgée de 58 ans et vient de faire une formation en construction. La plus-value, dit-elle, est que cette veuve d'être capable d'assurer la survie de sa famille suite à ses travaux. Elle a su vaincre la peur. David Denhama Kuriro, responsable de l'entreprise de construction qu'il a formée, affirme que cette femme est aujourd'hui qualifiée d'expert en construction, même si au début elle hésitait. Le point avec Omer Douayo. Nkurunziza, médiatrice, une femme âgée de 58 ans, elle est veuve, mère de 2 enfants. Au Mantou, la vie commence à devenir difficile. Elle rejoint le métier de maçonnerie via les activités d'aide-maçon. Elle fait par après la formation de maçonnerie qu'elle exécute avec peur, se sous-estimant elle-même suite à son âge. J'ai commencé par être aide-maçon et par après on nous a formés. On nous demandait de prendre les briques et construire. J'ai réussi. Elle est aujourd'hui classée au rang des maçons et vit de ce métier, témoigne-t-elle. J'ai commencé la maçonnerie étant veuve, mère de 2 enfants. Je veillais sur eux jour et nuit. C'est moi qui paye les frais de logement, les équipements de la maison et autres besoins. Suite à ce métier, j'ai 1 vache et 6 chèvres. Les activités d'Nkurunziza sont appréciées par ses supérieurs. David Namakuriro, responsable de la société de construction dénommée BMBC, qui a formé cette femme, témoigne. Médiatrice à 58 ans, elle avait peur suite à son âge. Elle a une expertise aujourd'hui. Nous donnons des formations à nos travailleurs et après 2 ou 3 ans, nous leur décernons des certificats. Médiatrice Nkurunziza appelle aux femmes de vaincre la peur. Si tu as de la force, tu peux tout faire. Il faut tout simplement vaincre la peur et apprendre tout. Pour témoigner ses aptitudes en construction, on lui a décerné un certificat samedi passé. Omer Ndouayo, voilà 18h19 dans les studios de la radio Isanganiro. C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Alphonse Koubguimane qui assurait la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes.